Voyage au centre de moi-même, par Pauline Pucciano. J'étais seul dans ma maison depuis environ 48 heures, et comme cela arrive souvent dans ces circonstances, je me trouvais dans un grand calme spirituel, comme si le temps s'était arrêté, et que la tranquillité s'était faite substance. J'étais allé chercher dans la bibliothèque un recueil de poèmes, pour retrouver un vers que ma mémoire défaillante n'arrivait pas à me rendre, et marchais donc dans le couloir du premier étage lorsque la chose arriva. Ma vision se troubla jusqu'à devenir entièrement brouillée, et je crus d'abord aux prémices d'une migraine. Je fermai les paupières et passai une main puissante sur mes yeux, qui commença à me faire mal, puis m'immobilisai. Quand je rouvris les yeux, la douleur disparut soudainement, et ma vision était à nouveau claire, mais un phénomène inexplicable s'était produit. J'étais toujours dans un couloir, mais ce n'était plus celui de ma maison. Celui-ci était carrelé d'un damier noir et blanc, dont la surface parfaite et brillante avait quelque chose d'insolite. Les murs à ma droite et à ma gauche étaient blancs et nus, et tout au bout, à plusieurs mètres, un grand miroir en pied me faisait face. Je n'eus pas l'idée, dans l'ahurissement où je me trouvais, de me retourner et de regarder où le couloir prenait sa source. Mais je pense aujourd'hui qu'un miroir symétrique me serait apparu si je l'avais fait. Le silence autour de moi avait une qualité particulière, épaisse, et le bruit familier de mes pas me rassura quelque peu lorsque je me mis à marcher. Étrangement, je ne fus pas particulièrement surpris ni effrayé de m'apercevoir que mon reflet dans le miroir m'attendait, immobile, dans une pose étudiée que je me connaissais. Peut-être était-ce à cause de cet état d'esprit dans lequel je me trouvais et que j'ai mentionné plus haut. Le plus bizarre fut de me heurter à mon propre regard lorsque je fus assez proche. Il m'était, bien sûr, éminemment familier, et pourtant j'avais conscience qu'il émanait d'une volonté étrangère à la mienne. « Tu es resté seul trop longtemps, » entendis-je dire par ma propre voix, « et tu es tombé dans le piège. » Ces mots, pourtant absurdes, me parurent chargés d'un sens lourd et obscur. « Je cherchais un verre d'Aragon, » dis-je. « Ce monde noir et blanc, où donc en est la porte ? Je brûle à ses barreaux mes doigts comme aux orties. Je bats avec mes poings ces murs qui m'ont menti. Des mots autour de ma jeunesse morte. « Tu vois, » dit mon reflet, « tu t'en souviens. Il y a tout un monde en toi, et tu es tombé dedans. Tu trouveras ici tous les vers que tu connais par cœur. » Tandis qu'il me parlait, j'essayais de voir ce qu'il y avait derrière lui. « Il n'y a rien derrière moi, » dit-il, « seulement un couloir carrelé d'un damier noir et blanc. » Le malaise commençait à m'étreindre. Je me souvenais vaguement de mythes initiatiques, et le sentiment que j'avais ici quelque chose à faire se faisait insistant. « Je comprends ce que tu veux dire, » dit-il. « Évidemment, » ajouta-t-il avec un peu d'ironie, « mais ce n'est pas ce que tu crois. Suis-je en train de rêver ? Peu importe le nom que tu donnes à ce voyage, Ulysse a peut-être rêvé l'Odyssée. » Ces paroles me déconcertaient, mais je ne pouvais m'empêcher de les trouver pertinentes, comme en accord profond avec les questions que je me formulais. « Tu n'as rien à m'apprendre que je ne sache déjà, n'est-ce pas ? » lui demandai-je. « Comment pourrais-je savoir quelque chose que tu ne sais pas puisque je suis toi ? » Il éclata de mon propre rire et prit mon air amusé. « Tu parais pourtant savoir pourquoi je suis ici. Tu me dis que j'étais tombé dans un piège. » Pure constatation que tu auras pu faire par toi-même dans quelque temps. Je n'ai qu'un peu d'avance sur toi pour ce qui est de ces questions, mais ici le temps n'a pas grande importance. Quant à savoir pourquoi, c'est une autre affaire. Je suppose qu'il y a quelque chose après ce couloir, bien sûr. Le miroir qui me sert très symboliquement d'espace est une porte. Je baissai les yeux et remarquai une poignée sur la surface réfléchissante. Je tendis la main vers elle, et fut légèrement ralenti par le reflet de ma main qui venait de recouvrer son habituel et symétrique mimétisme. Je levai les yeux et mon reflet leva les yeux. Lorsque je bougeai les lèvres pour parler, les siennes bougèrent aussi. « As-tu perdu ton autonomie ?» Le reflet me regarda avec une inquiétude dont je savais qu'elle se peignait sur mon propre visage. Puis quelque chose en moi, que je ne contrôlais pas tout à fait, me poussa à parler. « Ne t'inquiète pas, je ne suis jamais très loin. » Je me mis à rire, à demi nerveusement, puis me décidai à pousser la porte. Lorsque j'eus franchi le seuil, je fus d'abord saisi par la musique, les éclats de voix, les tintements de verre et froissements de robe qui me parvinrent. J'étais sur un vaste balcon ovale qui surplombait un bal dont les convives masqués ne semblaient pas m'avoir remarqué. Il y avait là une foule de gens, peut-être plus d'une centaine, qui dansaient et riaient au-dessous de moi. Je restai un moment à observer la splendeur de leurs costumes et l'énigme de leurs masques, lorsque l'idée me vint que je portais un costume ordinaire et que mon visage était nu. Je ne sais pourquoi, la perspective de descendre ainsi vers cette foule me terrifia, et je cherchai des yeux, aussi vite que je le pus, un moyen de me dérober à eux. Le balcon menait à la salle de bal par 4 escaliers différents, et le risque qu'une personne montât devenait à chaque seconde plus insupportable. D'autre part, il était jalonné de portes dont je ne pus discerner le nombre exact. Je me précipitai sur la première que je vis sur ma gauche et la poussai le cœur battant. Sitôt que je fus entré, la musique, pourtant très forte, se tut. Je me trouvai dans une sorte de boudoir qui tenait à la fois de la bibliothèque, du fumoir et du club. Il y avait là plusieurs jeunes gens qui fumaient ou lisaient silencieusement. L'un d'entre eux attira mon attention par son élégance ostentatoire et la désinvolte affectation de sa posture. Lorsque je détaillai son visage, il me fut fort pénible de constater qu'il s'agissait du mien. Un rapide coup d'œil me confirma ce que je devinais déjà, de par la singulière similitude de silhouette que ces jeunes gens offraient. Ce fumoir était occupé par 4 doubles de moi-même. Dans un coin d'ombre, une Bible à la main, se tenait un jeune prêtre qui portait fièrement la soutane. Les 2 autres, qui avaient des mines plus ordinaires, ne se distinguaient pas. Aucun d'eux ne parut faire attention à mon entrée précipitée, et il me fallut plusieurs secondes pour remarquer qu'un jeune homme agitait une main, fort semblable à la mienne, du fond d'un miroir qui ornait la cheminée. Je décidai de l'ignorer, et feignant de trouver très naturelle une situation qui me donne à sa seule évocation un frisson d'angoisse, je m'adressai à mes hôtes. « Bonsoir. » Ils levèrent tous la tête d'un même air curieux, et j'entendis ma voix multipliée me rendre mon salut. Comme ils reprenaient leurs occupations respectives, je me dirigeai vers le dandy, qui seul me regardait avec une expression souveraine et narquoise. « Que nous vaut le plaisir de cette visite ? » demanda-t-il. Je m'assis dans la marquise qui lui faisait face. « À vrai dire, je n'en ai pas la moindre idée. » Cette remarque parut lui plaire. « Ainsi, c'est vous qui prétendez à l'existence ?» Je souris. « Et vous, à quoi prétendez-vous » demandai-je. « Au style, » dit-il au bout d'un moment. « Je mets du style dans tout ce que je fais. »« Tenez, » dit-il en prenant son verre sur la table basse. « Il m'a fallu des années avant d'être ivre avec style. » Je le regardai muettement, fasciné par cette image de moi-même que j'avais rêvée sans l'avoir jamais vue. « Vous remarquerez, » continua-t-il, « que mon intonation est légèrement plus traînante que la vôtre et que mes gestes sont plus lents. Mais vous ne devriez pas vous attarder ici. Si vous le permettez, je vais moi-même achever de me saouler en bas. » Il se leva et prit sur la table un loup qui était posé. « Nous nous retrouverons tout à l'heure, » dit-il en partant. « Je crois que nous avons des amies communes. » Je le regardai partir et m'approchai d'un autre de mes doubles. Ils étaient tous fascinants dans leur légère différence, et pour rien au monde, je n'aurais manqué cette occasion de les observer et de les entendre parler. Lorsque je fus arrivé à sa hauteur, il adressa la parole à l'autre, qui, non loin de lui, fumait pensivement une longue pipe brune. « Désolé de perturber votre respiration, mais je n'y tiens plus. » L'autre eut un petit rire silencieux et me regarda d'un air de connivence. « Ne trouvez-vous pas que les grands amoureux ont une fâcheuse tendance à briser le silence ?» me demanda-t-il. Je souris d'un air entendu, mais sans rien ajouter. « Je dois sans doute vous paraître ridicule, » dit aimablement le premier, qui me parut un peu plus maigre que tous les autres. « Mais Anaïs est pour moi comparable au temps qui s'écoule. Elle est la substance même de la vie. » Je tressaillis au nom d'Anaïs, que j'ai passionnément aimée dans ma première jeunesse. L'autre ne quittait pas son sourire. « Vous êtes un véritable personnage de roman, vous savez, » dit-il avec un brin de condescendance. « Même vos répliques sont romanesques, et votre amour atteint une perfection quasi esthétique. » Le premier fut flatté et haussa les épaules. « Vous écrivez des romans, et j'ai choisi de les vivre. Au fond, nous évoluons pourtant dans le même univers. »« C'est vrai, » dit l'autre avec une certaine tristesse. « Excusez-moi, fis-je, Anaïs est-elle votre premier amour ?» Les yeux de mon double amoureux s'allumèrent. « Mon premier et mon unique amour, » dit-il en souriant. « Ne vous a-t-elle jamais quitté ?» demandai-je avec une certaine curiosité. « Car la manière dont Anaïs m'a quitté est encore maintenant toujours très fraîche dans ma mémoire. Si, elle m'a quitté, il y a de cela bien longtemps, et de la manière la plus cruelle. Et puis, je l'ai attendue, je l'ai pardonnée, et elle est revenue pour ne plus repartir. Moi, je ne l'ai pas attendue, dis-je. Il eut un sourire modeste et détourna les yeux. L'écrivain nous observait avec intérêt. Vous ne rentreriez dans aucun de mes romans, me dit-il. Vous avez quelque chose de trop réel, de trop prosaïque. Il avait parlé sans malice et avec sincérité. Vous écrivez des romans d'amour, demandai-je. Tous les romans, à un degré ou à un autre, sont des romans d'amour. Mais pourquoi n'irions-nous pas nous joindre un peu à la foule? Ils se levèrent, et en un instant je me retrouvai seul avec le prêtre, dont les lèvres bougeaient silencieusement au rythme de sa lecture. J'hésitai à l'interrompre, puis décidai de lui poser une simple question. Est-ce aux autres, ou bien à Dieu, que vous avez voué votre vie? Il leva la tête, et je lus dans son regard une extase qui m'était inconnue. « Adieu, » dit-il simplement, « adieu. » Il me fixa quelques instants de ses yeux étranges, si proches et si différents des miens. « Je vous prie de m'excuser, » dis-je en le saluant. Il se replongea dans sa lecture et je me sentis soudain seul et épuisé. « Quel dommage que tu n'aies pas de masque, » entendis-je dire par ma propre voix. Je tournai la tête vers le miroir où mon reflet, les bras croisés, contemplait mon désarroi. « Tu devrais sortir de cette pièce. Il y a quelqu'un qui te cherche sur le balcon. » Je le regardais, abattu. « Il n'y a pas moyen de sortir d'ici, » dis-je sur le ton de la constatation. « Non, il n'y a pas moyen de quitter la fête. C'est là tout le piège. »« Es-tu certain que c'est moi qu'on cherche ?» Le reflet haussa les épaules. « Toi, moi, eux, pure querelle de termes. Il est évidemment difficile de concevoir une certitude à ce propos. » Ce faux dialogue commençait à me fatiguer, et j'y coupai court en tournant les talons. Je jetai au prêtre un dernier regard, puis sortis du fumoir. Incertain d'être encore moi-même, je gagnai le balcon dans l'appréhension de me trouver une fois de plus en face de l'un de mes doubles. Je fus donc agréablement surpris de poser les yeux sur une jeune femme qui, en dépit de son déguisement qui dérobait son identité, me donna une impression immédiate de confiance et de sécurité. Elle était vêtue d'une robe jaune, soyeuse, et portait un masque à plumes. « Je te cherchais partout, » dit-elle. Sa voix, que je reconnaissais sans pouvoir la nommer, me causa une émotion profonde. « Tu as changé, » continua-t-elle. Elle ôta son masque dans un geste un peu las, et je reconnus, à travers un rajeunissement miraculeux, les traits de ma mère, morte il y a 3 ans dans sa 60e année. Le choc fut tel que je ne pus rien dire, et je lui fus reconnaissant de me serrer dans ses bras. Ce fut peut-être dans cet instant pourtant coupé de la réalité que je me rendis compte à quel point elle me manquait et combien la douleur de son deuil m'avait marqué. « Tu es toujours dans tes poèmes, » me dit-elle affectueusement. « Tu sais, je n'ai jamais bien compris à quoi tu occupais tes journées, toujours si solitaire. » Je regardais son sourire tandis que mon émotion s'apaisait. Je cherchais quelque chose à lui dire, quelque chose d'important, lorsque des femmes, à moitié dansantes et riant aux éclats, apparurent sur le balcon et l'entraînèrent avec elles. Elle me regarda avec beaucoup de tendresse, avant de remettre son masque et d'entrer dans la danse. Je suivis de regard sa silhouette joyeuse, par moments presque enfantine. Il y avait eu en moi une tension que cette rencontre venait d'apaiser, et je me sentais à présent paisible, mélancolique, et comme investi d'une sagesse nouvelle. Je commençai à songer que derrière tous ces masques, les visages devaient m'être familiers. Il devait y avoir là mes amis et mes maîtresses, mes parents, mes ennemis et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient laissé leur empreinte sur moi. Leur foule réunie avait quelque chose d'impressionnant, et bien que je restasse plusieurs minutes à regarder les gracieuses évolutions des danseurs, je ne me décidais pas encore à descendre dans l'arène. Je préférais savoir ce que me réservait la seconde porte. Lors même que je l'ouvris, la musique s'estompa, une odeur d'église m'envahit. Il faisait sombre en ce lieu, que je devinais très vaste et très ancien. Je me sentis écrasé par un puissant sentiment du sacré et m'avançai très lentement, comme accomplissant malgré moi un rituel ancestral. La lumière tout à coup frappa ce qui devait être un vitrail, sur ma gauche, et éclaira à travers un filtre bleu-vert une sorte de scène. Un vieux roi, mortellement blessé, gémissait sur une litière. Je pouvais voir sa peau ravinée, jaunie par le mal, et le sang épais qui filtrait de sa chemise à hauteur de son flanc. Il avait les yeux clos et semblait absorbé par une souffrance surhumaine. Je savais qu'une malédiction lui interdisait à la fois de guérir et de mourir, et que nul soulagement ne viendrait panser sa blessure éternelle. À ses côtés, posé sur une dalle de pierre grise, gisait le Graal qui rayonnait une clarté subtile et tremblante. J'étais cloué à cette image lorsque la scène retomba brusquement dans l'obscurité. J'avançais à nouveau, et la lumière frappa soudain un autre vitrail sur ma droite, aux dominantes rouges. Une jeune femme effrayée tenait dans ses mains une grande clé d'or qui portait une tache de sang. Elle frottait la clé avec ses mains, puis avec sa robe, mais sitôt qu'elle se retirait, la marque sanglante réapparaissait de l'autre côté de la clé. Ce manège absurde et terrifiant dura quelques minutes, pendant lesquelles son beau visage connut toutes les convulsions de l'horreur, puis la scène s'éteignit. La troisième scène, baignée d'une lumière dorée, était parfaitement immobile. Deux jeunes amants, nus, d'une beauté radieuse, dormaient paisiblement enlacés. Je n'aurais pu dire s'ils dormaient ou s'ils étaient morts, car je ne pouvais entendre le bruit de leur respiration. Il émanait de la position de leur corps une harmonie presque extatique. J'essayais de deviner le visage de la jeune fille sous l'écran irrégulier de ses cheveux lorsque la lumière s'éteignit. Je commençais à comprendre que cette vaste salle obscure renfermait tous les mythes qui avaient pour moi quelque force. En faisant un effort, j'aurais pu deviner quelle image vivante allait faire suite à celle qui m'avait tant marqué. Oui, clama ma propre voix dans les hauteurs insondables de la salle. Il y a là des centaines de mètres de galeries. Veux-tu admirer Prométhée et Sisyphe, le sombre Charon sur l'Achéron, le grand Merlin dans sa tour aérienne, ou Lucifer tombant dans les abîmes ignorés de Dieu? Une sorte de vertige me prit à ces évocations, et je n'eus pas le temps de répondre, car déjà, beaucoup plus loin sur la droite, une autre scène s'éclairait. Le Christ agonisant, sur une croix immense, la chair déchirée et la tête sans cesse tombante, murmurait quelque chose. « Mon Dieu, répétait-il, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce spectacle avait quelque chose d'insoutenable et je me sentais proche du malaise lorsque je retombais dans les ténèbres. « Tu as raison, reprit ma voix, tout cela est trop grand pour nous. » Je ne désirais plus que sortir et cherchais à l'aveuglette le chemin qui me ramènerait au balcon. Il me semblait entendre partout des murmures et deviner dans l'obscurité des silhouettes titanesques. Ce fut en suffoquant que j'arrivai enfin à la porte. Dehors, la musique du bal me reprit et je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti et que je ne ressentirais sans doute jamais plus. Ayant foulé la terre des dieux et assumé des visions qui ne m'étaient pas destinées, j'éprouvai un soulagement bestial à me retrouver parmi mes semblables. Je crois que ce fut le seul moment de cette absurde odyssée où je perdis tout à fait de vue que je n'étais nulle part ailleurs qu'en moi-même. Et je descendis frénétiquement l'escalier qui me faisait face, en ayant totalement oublié à quelle étrange mascarade je me rendais. Lorsque je fus arrivé en bas, l'assemblée entière se tourna vers moi, et un grand murmure parcourut la salle. Encore désorienté par ce qui venait de m'arriver, je devais avoir l'air un peu hagard. Pas un seul visage n'était découvert. Je me rappellerai toujours cette foule masquée, tournée vers moi, qui se mit à m'applaudir de ses mains innombrables. Je ne puis dire si cette sensation m'a été désagréable ou angoissante. Je ne saurais la qualifier autrement qu'en disant qu'elle était purement, follement, onirique. L'orchestre entama une valse, et les couples se mirent à danser. Je reprenais peu à peu mes esprits, lorsque je vis s'approcher de moi une jeune femme toute vêtue de pourpre. Je reconnaissais sa manière gracieuse de se déplacer et l'aura subtile qui émanait de sa personne. Lorsque je pris sa taille pour la faire danser, je savais que je tenais dans mes bras le simulacre de ma chère Nina, Nina, dont j'étais amoureux, et que j'aurais pu adorer si elle ne s'était mystérieusement mise en ménage avec un homme que je tiens encore aujourd'hui pour le plus parfait imbécile que la terre ait jamais porté. « Nina, » dis-je, en mettant dans son prénom plus de tendresse que je ne m'y étais jamais autorisé. Je devinais son sourire sous le masque, mais la pression de sa main fut sa seule réponse. « Nous nous aimions, n'est-ce pas ? » continuai-je. « Ne nous aimons-nous pas encore chaque fois que nous nous voyons ? Vous êtes toujours si lointain et si brillant. Chaque fois que vous en allez, je reste plusieurs heures à ne rien faire ou à regarder tomber la pluie. » Cet aveu me causa une émotion assez vive, mais je dus reconnaître que je l'avais toujours su. En regrettant de ne pas m'avoir épousé, elle hocha simplement la tête d'un geste inhabituel. Mais vous ne me l'avez jamais demandé. L'intimité miraculeuse de notre conversation fut prosaïquement bousculée par un bras maladroit. Je tournai la tête. Le mari de Nina, que je reconnus sans délai à l'imbécilité de sa posture, désirait danser avec elle. Je baisai avec élégance la main gantée de la jeune femme, et sans un mot pour l'imbécile, je m'éloignai de la piste. Autour du buffet se massaient quelques vieillards, que le déguisement rendait grotesque et inquiétant. Je leur souris et me versai une coupe de champagne. Lorsque je me retournai, le plus grand d'entre eux avait ôté son masque et je reconnus l'un de mes plus chers professeurs. « Vous voilà donc ?» dit-il de sa voix à la fois chevrotante et infiniment assurée. « Eh bien, racontez-moi quel prodige vous avez fait depuis la classe de troisième. » « Malheureusement, » dis-je en souriant, « je n'ai fait aucun prodige. » « Mais vous étiez si brillant, d'une intelligence si précoce. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? On parlait avec vous comme avec un adulte. » « C'est peut-être ce qui m'a perdu, » remarquai-je en songeant que ce vieil homme commençait à m'ennuyer. « Vous ne me ferez jamais à croire que vos études supérieures n'ont rien donné, que vous n'avez pas, puisque je vous dis que je n'ai rien fait. » Le coupai-je avec un peu d'humeur. « J'essaie d'être un honnête homme, et je ne sache pas que cette ambition soit plus indigne qu'une autre. » Le vieillard, qui à ces mots avait manifesté une certaine réprobation, éclata d'un rire sardonique. « Un honnête homme » ricanait-il. « Un honnête homme !» Je tentai assez vainement, dois-je dire, de calmer ma colère, tandis qu'il se laissait aller à ce rire indécent. Il se calma enfin, cependant, et les derniers spasmes finis, prit un air douloureux. « Ah, va-t'en, va !» me dit-il d'un ton las. « Tu ne vaux pas la corde pour te pendre. » Je regrettai amèrement qu'il ne fût pas de coutume, même dans ce monde insensé, de frapper les vieillards, et tournai les talons dans un état d'exaspération avancée. Je n'étais plus guère d'humeur à converser avec ces pantins, et désirais obscurément trouver un miroir pour agonir mon reflet d'injure, car je le tenais à cet instant pour personnellement responsable de tout ce qui m'arrivait. Je remontai 4 à 4 les marches de l'escalier, et le calme relatif du balcon m'apaisa quelque peu. Je restai quelques instants à regarder le bal, concentrant mon esprit chauffé sur des formes, des mouvements, des couleurs. Cette contemplation hypnotique finit par me rendre tout à fait à moi-même, et quand je me redressai, je me sentais prêt à affronter tout ce qui pourrait se cacher derrière la troisième porte. Comme je m'y attendais, ce fut toute l'atmosphère qui changea lorsque je l'eus poussé. Franchir ces seuils était comme passer d'un monde à l'autre. Je me trouvais à l'entrée de ma chambre d'enfant, où j'ai passé de lentes années de bonheur et d'ennui. Il y avait le parquet craquant, la cheminée minuscule, les vieux tapis aux couleurs passées, les meubles de merisier et les vastes fenêtres aux petits carreaux blancs qui laissaient entrer la lumière triste du crépuscule. Je fis quelques pas, la gorge serrée, dans ce sanctuaire où il ne m'avait jamais été permis de revenir. Je fermai les yeux pour respirer mieux le parfum qui flottait dans l'air et qui m'évoquait, plus que des instants précis, toute la subtile substance de ces années. Je tressaillis légèrement en entendant le son du piano qui se trouvait au-dessous de ma mère et sur lequel ma mère passait ses heures perdues. La valse qu'elle jouait maladroitement m'envoûtait comme un sortilège, et je pense être resté longuement immobile, les yeux clos, au milieu de ma vieille chambre crépusculaire, dans un état de mélancolie profonde. Quand je rouvris les yeux, je m'approchai de la fenêtre principale et regardait le jardin amoureusement léché et au-delà la campagne déserte. Cet horizon si familier prenait sous mes yeux un relief fantastique, et je ne fus pas surpris lorsque je vis apparaître à côté du rosier blanc la silhouette gracile de ma sœur enfant. Elle devait avoir 4 ans, et commença l'un de ces jeux mystérieux auxquels les petites filles s'adonnent avec passion et qui semblent, à un observateur extérieur, dénués du moindre sens. Mon regard s'attarda sur ses cheveux un peu décoiffés et sur l'expression de pure insouciance qui éclairait son visage. Ma sœur est devenue une jeune femme arrogante et désagréable, mais son ombre angélique que je regardais en cet instant, tout entière à son monde de merveilles invisibles, m'emplissait d'un amour profond. Elle cessa son jeu, avec la soudaineté fantasque, déraisonnable, qui lui était coutumière. Le regard qu'elle me lança, adorable et pur, me figea, et je ne pus répondre à son sourire ni au signe léger qu'elle me fit de la main avant de disparaître dans l'ombre. Il faisait presque nuit dans ma chambre et le piano s'était tu. Il me semblait pourtant entendre comme un bruit étouffé, un sanglot discret, presque imperceptible. Je regardais dans le miroir, mais mon reflet, la tête baissée et la main sur les yeux, ne faisait pas de bruit. Ce n'est qu'au bout de quelques instants que je découvris la silhouette de mon père, assis sur le bord du lit. Il pleurait doucement dans la pénombre, voûté comme un vieillard, accablé par une désespérance qu'il ne m'avait jamais montrée. Je m'approchai de lui et posai ma main sur son épaule, qui me parut fragile et presque sur le point de se briser, et je sentis que mon geste lui insufflait un peu de force. « Toutes ces années, » dit-il tout bas, « toutes ces saisons qui ont passé. » J'avais le sentiment de partager sa douleur, et ses mots résonnaient à mes oreilles avec une infinie cruauté. « Il n'en reste rien, » dis-je. Il eut un sanglot qui me fait monter les larmes aux yeux. « Tu es jeune, » reprit-il en levant la tête vers moi. Et je fus frappé par le vieillissement de ses traits et le voile laiteux qui recouvrait ses yeux. Moi, je n'ai que le souvenir et le deuil et ma mort prochaine. Je m'assis à ses côtés et le pris dans mes bras. Il n'y avait rien que je puisse dire et mon amour était impuissant à lui rendre l'espoir vaincu. Tout ce que je pouvais donner était contenu dans la pression de mes bras et le tremblement de ma poitrine, un baume fugitif qui me parut horriblement, intolérablement dérisoire. « Il faut rejoindre la fête, papa. » Il hocha la tête, lentement, et répéta ce geste jusqu'à le vider de son sens. Puis il fit un effort pour se lever, et je soutins sa marche débile jusqu'à la porte. Au dehors, il semblait un peu moins usé, et tenait un peu plus fermement sur ses jambes. Je me gardais cependant de le laisser, et l'aidai à descendre l'escalier pour gagner le bal. Beaucoup de convives, à notre vue, saluaient ou disaient quelques mots à mon père, et j'avais l'impression grandissant de n'être pas plus important à leurs yeux que ne l'aurait été sa canne. Cet effacement m'était familier. Je le reconnaissais qui venait du plus noir de ma jeunesse, et si j'en concevais aujourd'hui une sourde révolte, je savais que je l'avais accepté, et que je m'en étais piteusement accommodé pendant de nombreuses années. Cette pensée me fit honte, et je lâchai soudain le bras de mon père. Il ne le remarqua pas, et poursuivit sa lente progression à travers les invités qui, avec des grâces inépuisables, fleurissaient son passage de sourires et de compliments. Une claque dans le dos, d'un genre condescendant que je ne goûte guère, et dont je reconnus immédiatement la provenance, me fit tourner la tête. Mon frère aîné, arborant le sourire qu'il m'adresse de manière rigoureusement systématique, et auquel je me suis résigné avec le temps, se tenait tranquillement à mes côtés, le masque baissé. « Je suis heureux de te voir, » dit-il. « Cela fait quelques siècles que tu n'as pas donné de tes nouvelles. »« Il fallait en prendre, » dis-je presque froidement. « Va, ne te pique pas, » dit-il en riant. « Tu as toujours été si susceptible. Comment vas-tu ? » Il paraissait très sincèrement amusé par mon air à demi offensé, et presque aussi sincèrement curieux de savoir comment je me portais. Mais je dois avouer que cette affection qu'il me témoignait ne faisait naître en moi qu'un sentiment d'irritation et de révolte. « Je vais fort bien, merci. Je m'inquiète pour papa, » ajoutai-je. « Il s'est bien remis, tu sais. Il est plus solide que tu ne crois. » Mon frère, faisant partie de ces gens qui ont toujours raison, j'eus certes envie de le détromper, mais me souvint tant de la vanité de cette entreprise et acquiesçai. « Et puis, tu ne dois pas te torturer avec ça, » reprit-il. « Tu as ta vie à construire. »« Ma vie à construire, » répétai-je. « Eh bien oui, » répondit-il un peu décontenancé. « Ma vie n'est plus ni moins à construire que tout autre, et ce n'est certainement pas à toi de juger de son achèvement. » Il marqua une certaine surprise, puis répartit d'un ton sec. « Lorsque ta vie sera construite, tu n'auras sans doute plus besoin de sortir les rives dès qu'on t'adresse la parole. » Il fit volte-face, puis revint vers moi. « Si tu as besoin d'argent, tu sais que je suis là. » Il ne me laissa pas le temps de répondre, et je demeurai interdit, impuissant et furieux. Il y avait devant moi un couple qui dansait et qui attirait irrésistiblement mes regards. Je mis un certain temps à reconnaître Anaïs et mon double, et ma fureur se mua en tristesse au spectacle de leur amour. Ils ne se quittaient pas des yeux et bougeaient au même rythme. Leur bonheur indécent était comme une richesse dont, pauvre mendiant, je ne pouvais posséder que le rêve. Il me fallait partir, vraiment, quitter cette fête qui me réservait sans doute encore des douleurs inutiles. Mais j'étais bien convaincu qu'il n'était pas en mon pouvoir de faire disparaître ces gens, de faire taire cette musique, et de désagréger ces murs au-delà desquels je retrouvais ma solitude et ma maison. Je décidai d'abréger mes souffrances en visitant au plus vite les pièces que je n'avais pas vues. La quatrième porte s'ouvrait sur une immense et somptueuse bibliothèque. Un coup d'œil sur les rayonnages m'indiqua que tous les livres que j'avais lus étaient là. Ceux que j'avais envie de lire, sur un rayonnage spécial, offraient des centaines de pages blanches. Des rangées entières de disques, d'objets, de cartes, de dossiers pleins d'images et de tableaux produisaient la somme, énorme et bancale, de ma culture et de mes goûts. Je m'assis sur l'un des fauteuils qui meublait la pièce et me pris à admirer cette merveille. Un tel lieu tenait du prodige, du luxe le plus audacieux. Un bruit de pas se fit entendre et je levai la tête. Rien ne put m'éviter à cet instant la décharge d'adrénaline que je reçus. Le jeune homme qui était apparu avait l'apparence de celui qui a été mon meilleur ami, mon frère d'armes et mon âme damnée, celui en qui j'ai placé plus de confiance qu'en quiconque et qui m'a inexplicablement trahi et sacrifié à son intérêt personnel. « Ne sois pas surpris de me trouver en ce lieu, » dit-il. « Cette bibliothèque aurait pu être la mienne. Tu te souviens, nos goûts sont si proches. » Étrangement, la rancœur et l'amertume que je ressens d'ordinaire à son égard s'étaient effacées. « J'aurais dû m'attendre à cette rencontre, » dis-je. « C'est étrange. Ce sont les personnes à qui l'on prétend n'avoir plus rien à dire, auxquelles on s'adresse le plus souvent en esprit et en rêve. » Il sourit. « Je n'ai jamais méprisé le prix de ce que j'ai sacrifié, » dit-il. « Nos regrets sont sans doute identiques. Nos regrets, nos souvenirs peut-être, mais nous ne partageons plus d'avenir. Non, plus d'avenir. C'est drôle comme certains actes sont irrémédiables, » ajouta-t-il. « Oui, sans remède. » Cette conversation même est en dehors d'une histoire qui est close et dont on a lu la dernière page, comme une sorte d'épitaphe. Je vais partir alors. Je le regardais en songeant qu'il était déjà parti depuis longtemps, et que sa présence même n'était que le signe d'une absence. Oui, pars. La vie est ailleurs à présent. Il m'adressa un sourire indéchiffrable, où dominait cependant une tristesse lucide. Je ne crois pas avoir répondu à ce sourire, et me souviens de l'avoir regardé disparaître, avec le sentiment d'avoir vieilli. Entre le jeune homme qui avait été trahi et celui qui regardait disparaître son ancien ami, il n'y avait plus rien de commun. Il avait emporté cette part de moi. Les grandes trahisons ne nous frappent pas, elles nous altèrent. Une seule autre personne m'a un jour séparé de moi-même, une femme, et ce fut fort naturellement que je me mis à penser à elle. Car l'état de langueur nostalgique dans lequel ma dernière rencontre m'avait laissé ne me permettait guère de dériver dans une autre direction. Je me souvins du sens que sa seule présence apportait à mon existence, et un instant plus tard, je me retrouvais dans ses bras. Ma mémoire me rendait fidèlement le parfum de ses cheveux et la texture de sa peau, créant une illusion si puissante, si parfaite, que malgré l'extrême conscience que j'avais de la situation, je ne pus m'empêcher de me laisser aller à l'étreindre. Je me sentais à la fois le témoin et le sujet d'un flux d'émotions ingouvernables. Tout l'amour que j'avais éprouvé pour elle revenait me hanter, aggravé par la douleur de l'avoir perdue. Je dus prononcer des paroles insensées et des mots d'amour égarés, car elle me répondit doucement. « Je me laisse aimer depuis le début, mais je ne t'ai jamais aimé moi-même. Nous n'avons jamais parlé le même langage. » Ces mots pénétrèrent en moi pour la seconde fois comme un poison subtil. Mes émotions se dissipèrent, et le corps tant aimé se dissipa à son tour. Il ne resta que l'absence, le vide irréparable. Peu m'importait vraiment de rester ici ou de rentrer chez moi. Ici comme là, elle m'avait échappé, et je n'avais nulle part de raison de vivre. Dormir était en vérité la seule chose à laquelle j'aspirais. Fuir, là-bas, fuir. Je dus m'assoupir en effet. Je m'éveillais courbattu, plus fatigué encore qu'auparavant, et fort désagréablement surpris de me trouver encore dans la bibliothèque déserte. Ou bien ce rêve était le plus long, le plus complexe et le plus étrange qu'être humain ait jamais formé, englobant jusqu'à la conscience permanente de rêver, la fatigue et le sommeil. Ou bien ce n'était pas un rêve, et je pouvais d'ores et déjà me considérer comme un dément. à moins que je ne fusse mort. Mais cette pensée ne me réjouissait guère, d'autant que ce lieu semblait fort éloigné d'un quelconque paradis, et que cela me faisait craindre, au contraire, que mes tourments n'en fussent qu'à leur plus insignifiant prélude. Je me levai et m'apprêtai à sortir, d'une humeur si sombre que je n'imaginais rien qui ait pu encore l'assombrir. Puisqu'il le fallait, je boirai le calice jusqu'à la lie. Ma première surprise fut, en poussant la porte, de ne pas entendre l'orchestre. Mais je compris vite, en m'avançant au balcon, que le bal était fini. La plupart des lumières électriques étaient éteintes, et un petit jour accablant, grisâtre, éclairait la fin de partie. L'immense majorité des convives avait disparu, quelques-uns dormaient, ivres morts, et j'entendais de loin en loin des gloussements de femmes saoules. Ce spectacle vraiment m'affligeait. Je descendis avec gravité l'un des quatre escaliers, dans l'intention de me diriger vers les bois que j'avais entendus, mais sitôt que je fus en bas, mon reflet me fit signe depuis un grand miroir et je m'arrêtai à sa hauteur. « Eh bien, demandai-je, ça y est, la mascarade touche à sa fin. » « Oui, dit-il, il n'en reste plus grand monde. » « Oh, je suppose que je me suis réservé le meilleur pour la fin. » Il ne répondit pas et regarda la salle dévastée. « J'ai toujours eu horreur des lendemains de fête, dit-il. Regarde comme tout est sale. »« Cela n'a pas grande importance, dis-je. En fait, je suis assez heureux qu'il soit parti. » « Crois-tu que c'est toi qui les as chassés ?» J'haussai les épaules. « Ils reviendront, ne t'inquiète pas. Tous ces mangeurs d'âmes ne s'éloignent jamais longtemps. » Il ne répondit pas. « J'ai vu qu'il restait une porte, repris-je. Est-ce celle de la sortie ? Qui sait ? Ce monde noir et blanc, où donc en est la porte ? » J'approchai la main du miroir, et tandis qu'il m'observait avec une certaine défiance, je me réconfortais au contact de la surface dure, infranchissable. Qu'adviendrait-il de toi si je brisais le miroir ? Ce qu'il adviendrait de toi s'il en brisait l'espace ? Je trouvais cette comparaison plaisante, et là, sans doute, de ton épreuve, j'éclatai de rire en cherchant autour de moi un objet contondant. Ma main s'arrêta sur une bouteille de champagne à moitié pleine. Et fasciné par l'expression d'effroi sur le visage de mon reflet, et prisonnier de mon rire démentiel, je la projetai de toutes mes forces contre le miroir. Il y eut un immense fracas qui me calma brutalement et des éclats volèrent autour de moi. « C'est tant de malheur !» entendis-je murmurer par ma voix, puis il se fit un grand silence. Je regardai autour de moi et m'aperçus, non sans une horreur pénétrante, que tous les miroirs de la salle s'étaient brisés. Tout cela ne semblait pas avoir entamé la sérénité des derniers convives, car j'entendais encore des éclats de rire et de voix. Le tableau qu'il m'offrait était admirablement composé. Au centre, assis sur une chaise, dans une posture improbable et cependant élégante, se tenait mon double dandy. Il avait les yeux brillants et le regard un peu trouble, mais c'était là les seuls signes d'ébriété qu'il montra. Je devais lui reconnaître d'avoir supporté cette tenue blanche et alcoolisée avec le plus grand style. Il était au demeurant fort occupé à discourir, de quoi je ne saurais le dire, car je n'y prêtais pas la moindre attention, et semblait s'acquitter de cette tâche avec beaucoup d'esprit, car tous les yeux étaient tournés vers lui. Ma mère, avec son beau visage fatigué, était assise sur une autre chaise, un peu en retrait, et le buvait du regard avec tendresse et orgueil, à tel point en vérité qu'elle ne semblait pas s'apercevoir de l'imposture grotesque à laquelle elle se prêtait. Plus grave encore, deux femmes se prélassaient langoureusement au pied de mon rival, deux femmes dont la première était Nina, qui avait obscurément abandonné son mari pour la circonstance, et dont la seconde n'était autre que celle que je venais d'étreindre dans la bibliothèque, et dont la fuite m'avait laissé en si piteux état. Mieux que charmées, elles étaient subjuguées par cette effrontée, et tandis que je regardais la scène de plus en plus précisément, une sourde colère se libérait en moi. « Et voici, mesdames, dit-il de sa voix traînante, l'homme qui a sur moi le plus injuste et le plus immérité des avantages, l'existence. » Elles se retournèrent et rirent à ce trait d'esprit. « Comment se fait-il que vous soyez encore ici alors que tous mes invités sont partis ? Vous voyez, même mon reflet a quitté le navire. Il est temps de vous retirer. » J'avais dû prendre un ton agressif, car il changea calmement de pose et répondit d'un air moqueur. « Je vous prie de m'excuser, mais il me semble que ces dames sont mes invités. que je connais cette demeure un peu mieux que vous, puisque j'y habite, et que s'il y a un maître à bord après Dieu, pour filer votre métaphore nautique, ce n'est certes pas celui que vous croyez. » Je le regardai fixement, puis absurdement, et comme s'il se fût agi de la chose la plus naturelle du monde, je lançai « Cette affaire se réglera au pistolet. » Il blêmit très légèrement, et les femmes s'écartèrent sans rien dire. « Comme vous voudrez, » dit-il. Il sortit de ses poches deux petits pistolets, finement ouvragés. « Lequel choisissez-vous ?» Je m'avançai en pris un au hasard. Ils étaient si rigoureusement identiques que le choix importait peu. Il se leva ensuite, nous nous saluâmes, nous mîmes nos ados et marchâmes 10 pas. Je me souviens d'une étrange sensation, une excitation ultime mêlée d'une grande frayeur. Mais tout cela s'enchaîna si vite que je ne saurais dire aujourd'hui si je pris ou non la pleine mesure de ce qui arrivait. Ai-je pour de bon risqué ma mort dans ce duel irréel? Je ne le saurais sans doute jamais. Au signal de l'une des femmes, peut-être de ma mère, nous nous retournâmes et les feux partirent dans un tonnerre assourdissant et des vapeurs de poudre d'une clarté étouffante. Ma balle se dirigeait droit vers son cœur, et au moment fatal, au lieu de s'écrouler tout sanglant, mon double s'évanouit comme un fantôme, ne laissant derrière lui pas la moindre trace ni de son corps, ni de la balle qui avait eu raison de lui. Je demeurai une fois de plus interdit, m'attendant obscurément à mourir à mon tour, mais je ne fus touché par aucune balle, et au bout de quelques secondes, il fallut bien convenir que le duel était terminé, la mort écartée, l'ennemi battu. Ma mère et Nina accoururent pour me serrer dans leurs bras, en me jurant par tous les dieux qu'elles n'avaient jamais eu aussi peur, tandis que je cherchais des yeux la troisième femme, que je ne trouvais pas. Je les consolai quelques minutes en leur enjoignant de regagner leur pénate, et parvins enfin, non sans mal, à me débarrasser d'elle. Avec ses miroirs brisés et ses messieurs ivres morts, la salle de bal ressemblait assez à un champ de bataille un lendemain de combat. Je n'avais pas la moindre envie de nettoyer les restes de cette damnée mascarade, et moins envie encore de m'éterniser parmi ces débris de toutes sortes. Je remontai donc péniblement l'escalier, et avec l'espoir d'en avoir fini, je me dirigeai vers la dernière porte. Il faisait froid dans cette salle, un froid âpre et désolant. Pour cause, les fenêtres brisées laissaient entrer un vent mauvais. Cela ressemblait à une vaste salle de château médiéval, la pierre grise et peu travaillée, les murs épais, la dimension énorme, et la pénombre relative dans laquelle on se trouvait plongé. Il y avait si peu de choses dans cette salle qu'au premier regard je l'avais cru vide. Seul, au centre du vaste espace, se balançait lugubrement une sorte de berceau. Étreint par un malaise grandissant, je m'approchai du vieil objet grinçant que le vent fantasque agitait. Il était vide, désespérément, et je demeurai un long moment hypnotisé par son mouvement irrégulier. Sur le sol, à côté, gisaient de vieux jouets recouverts d'une poussière grasse. Un ours borgne, un pantin désarticulé, et un cheval de bois aux couleurs écaillées. Je me souviens d'avoir eu un grand frisson, qui fit trembler mon corps de part en part, et puis, avec une soudaineté fulgurante, le désespoir s'abattit sur mon âme. Je tombai à genoux et, suffoquant, me mis à crier. J'entends encore ce cri inhumain résonner dans les hauteurs de la salle. Je sens encore le vent s'insinuer sous mes vêtements et la brûlure à mes yeux. Je pleurais. Pleurais comme je n'avais jamais pleuré. La conscience vide et noire comme la nuit. Le corps abandonné à des convulsions sans fin. Je ne puis dire combien de temps cela dura. Je ne pourrai jamais non plus exprimer la détresse de ce moment, dont le souvenir est pour moi comme une cicatrice sans cesse prête à se rouvrir, et j'ajouterai seulement que je ne connaissais rien de l'âme humaine avant d'en avoir éprouvé l'indicible, la misérable faiblesse. C'est ici que s'achève ma singulière aventure. Lorsque je repris mes esprits, j'étais écroulé sur le parquet de ma maison. Ainsi s'achève « Voyage au centre de moi-même » par Pauline Pucciano.